l'amour. Belle psyché, soumettez-lui votre âme. Les autres dieux à ce dieu font la cour, et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. Déjà le cœur c'est le suprême bien, aimer tout le reste n'est rien. Sans cet amour tant d'objets ravissants, lambris dorés, bois, jardins et fontaines, mon point n'a pas qui ne soit languissant. Leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. Déjà le cœur c'est le suprême bien, aimer tout le reste n'est rien. Soumettez-lui votre âme. Du jeune cœur, c'est le suprême bien. Aimer tout le reste n'est rien. Du jeune cœur, c'est le suprême.